d'or où on décernait lundi le meilleur joueur de foot de la planète pour l'édition 2014. Et pas vraiment de surprise, c'est Cristiano Ronaldo qui a remporté encore une fois ce ballon d'or sur son troisième titre. On en parle avec d'espacesoccer.com, Benoît Lavoie. Salut Benoît! Salut, dans la Radio Sport, Benoît, et tes auditeurs. Cristiano Ronaldo, troisième titre pour le Ballon d'Or. Surpris ou pas surpris? Pas surpris quand tu regardes le résultat de sa saison par rapport à... Oui, il n'y a pas eu la grande Coupe du Monde avec le Portugal, mais il a quand même gagné la Ligue des Champions en Europe, qui est une compétition quand même très relevée aussi. Ils ont remporté la Coupe du Monde des clubs en décembre dernier avec le Real Madrid. Ils ont gagné aussi la Coupe du Roi en Espagne. Ils n'ont pas gagné le championnat. Par contre, ils ont terminé troisième. Mais quand on regarde le classement, Ronaldo a 37% des votes. En deuxième position, on a Messi avec 15%. Emmanuel Neuer, le gardien allemand, avec 15,7%. La deuxième et troisième position, okay. C'était très serré. Là. Qui vote en passant? Hein? Comment ça marche le vote? Ben, qui vote? On en a parlé un petit peu auparavant. Alors, on a les sélectionneurs de chaque nation. Ensuite, il y a les capitaines de chaque nation. Et aussi, il y a les journalistes de chaque pays. Il y a un pays, je crois qu'il y a moins de journalistes un petit peu, là, mais ça fait à peu près 250-300 votants. Là. Pour le Canada, oui. Alors, pour le Canada, le vote est fait par la presse canadienne, quoi? La presse canadienne, je pense John Davidson, je crois, c'est lui qui fait le vote au niveau canadien. Ce sera à vérifier, là, mais c'est pas mal sûr que c'est lui. Est-ce que maintenant, lui, il demande à d'autres journalistes de participer à son vote ou c'est fait à l'intérieur de son journal, là, tout simplement? Je sais pas si chacun des journaux au niveau de la planète, maintenant, dans les pays, font faire des votes internes ou c'est vraiment le journal qui fait son vote lui-même. Je suis pas certain comment ça fonctionne. Mais je sais que les instances de FIFA regardent un peu la façon que... Est-ce que là, il y a quand même, comme l'année passée, c'était Ronaldo qui avait remporté aussi, mais les gens étaient un peu surpris parce qu'il n'y avait rien remporté au niveau de sa saison, au niveau de son club, alors que cette année, c'est différent. Le Real Madrid a quand même remporté des titres, contrairement à l'an passé. Mais Ronaldo là, vient rejoindre là, avec trois titres du Ballon d'Or, Van Basten, un Hollandais, Platini, puis Cruyff aussi, Johan Cruyff, un autre Hollandais, qui ont aussi remporté trois Ballons d'Or. Le meneur, c'est Lionel Messi, qui en a quatre en haut. Donc, c'est quand même un bel honneur pour Cristiano Ronaldo. Autre nouvelle ce matin qui tombe, c'est pas une nouvelle, c'est une rumeur. Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone. Est-ce que tu y crois? Moi, j'ai vu ça aller un peu sur le web. Je sais pas si le FC Barcelone va laisser aller Messi, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un rafraîchissement qui va se faire. Messi est encore capable de donner quelques bonnes saisons. Je sais pas. Je serais curieux, je serais très surpris que le FC Barcelone... beaucoup de rumeurs à ce niveau-là, mais je suis pas certain du tout qu'on va laisser aller Lionel Messi. Messi puis Ronaldo sont les deux leaders au niveau du football international. Pourquoi que Messi pourrait quitter? C'est-tu parce que il est insatisfait? C'est quoi, en fait, les raisons? Ben écoute, Messi, il était au club, ça fait très longtemps déjà. Ils sont allés le chercher très jeune, Barcelone. À la maison, en fait, Lionel Messi, il est chez eux, là. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour que le club fasse des changements. Des fois, ça dépend qui est le sélectionneur, qui est l'entraîneur. Il peut avoir des petits litiges entre les joueurs, mais le club évolue, le club avance. Et à travers les années, peut-être que Messi aurait un intérêt d'aller jouer dans un autre championnat. Il serait peut-être intéressé. Je sais que le PSG, à un moment donné, n'avait Paris Saint-Germain. On en a parlé un petit peu. Alors, c'est sûr, quel grand club qui serait intéressé à aller chercher Messi? Est-ce que Messi fera le saut? Ça va être une entente qui va se faire avec le grand club, mais je serais très, très surpris que Messi parte de Barcelone. Son entraînement très prochainement. Pas trop de grosses signatures à l'horizon en date. Hein? Il y a un Colombien, mais c'est pas... Pas trop. Ouais. L'impact annonce souvent des joueurs sud-américains. Est-ce qu'on va annoncer un gros canon européen qui va donner la chance de remplir le guichet? Penser à ça aussi. Oui, mais Piatti a eu une bonne fin de saison. Il faut se rappeler que l'Impact va jouer son match de le 24 février prochain contre l'équipe du FC Pachuca en quart de finale pour la Ligue des champions CONCACAF. L'annonce, comment est-ce qu'on va annoncer ça? La saison qu'on va commencer le 7 mars à Washington, puis à Montréal, ça va être le 28 mars. Alors, j'ai hâte de voir. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir une annonce. On a souvent des noms italiens qui reviennent parce que le réseau italien est là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va dire à ce niveau-là. On a des grands noms qui s'en viennent quand même dans la ligue. On va avoir Kaka qui va venir jouer. Et pas juste fondé, ça semble-t-il, ça serait. Steven Gérard jouerait plus à Liverpool, il serait probablement annoncé au Galaxy à Los Angeles. Le Galaxy réussit toujours à avoir de grands noms avec Robbie King. Il y a eu Beckham, il y a eu Donovan qui va prendre sa prise en retraite. Los Angeles avait besoin d'un grand nom. On est allé avec Steven Gérard qui est tout qu'un joueur de soccer, tout qu'un grand monsieur de la planète foot. Donc, à surveiller. J'espère que l'Impact va aller chercher un nom connu en Europe, un peu pour au moins le guichet, pour attirer les foules un peu, parce que quand ça va pas très bien au niveau du terrain, mais souvent, quand tu as un nom comme ça, ça peut aider au niveau du billet de la billetterie, en tout cas. Sur ton site pour avoir de l'information au niveau local, régional et national sur le soccer, parce qu'on parle dès que l'actualité va l'exiger. Oui, Danny, il ne faut pas oublier, Danny, le 17 février prochain, les huitièmes de finale, un petit rappel, Ligue des champions Europe. Oui. Il y a quatre Québécois qui ont été sélectionnés de l'Impact. Ils vont jouer dans l'équipe nationale, qui vont jouer contre l'Islande bientôt, en fin de semaine, contre l'Islande. Deux matchs, donc Bernier, Farran, Tissot et Ouimet vont jouer pour l'équipe nationale. Et tu m'avais parlé aussi de l'équipe U20, qui est masculin. Dans la Ligue CONCACAF, dans la zone CONCACAF qui essaie de se tailler une place pour la Coupe du Monde l'an prochain. Donc, c'est à surveiller un petit peu. Puis, au niveau régional ici, tu as la Ligue intérieure les Ligues intérieures pour les jeunes et puis la Ligue Alma qui se poursuit. Alors, salut à tes auditeurs et bonne fin de journée. Merci.